une balise de tête d'îlot rend plus visible un terre-plein qu'il faut contourner en suivant le sens de la flèche.